Je navigue dans le moteur gros, je mets la Marie. OV général sur Paris. J'suis dans les cavités nazes, je suis 33 comme Larry. 3 des voix se marient. Pas besoin qu'on parle, on sait qui bave. Nous on traite pas avec ces putes qui font crari. DD 4, 6, 7, chroné sur Paris. Pour le pour chop, jack chop, des caries. 2-0-1-8, étoile au-dessus de la tête, c'est pas celle de David. Clan d'amour à vide, libéré sauvage et blacky. Mon négro, fuck le 12, le gouvernement et les navis. Quoi? Est-ce qu'on trip? Si t'es un snake dans les jambes, j't'envoie tête dans les lampes. Fauché grené, mais il flex dans les lampes. Rien qui peut aimer tout ce qu'il sait, c'est se vendre. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allume tes necks dans la tête, dans les jambes. Ziggy Slim, retrouve-nous pas dans les rangs. VVT de Conakry jusqu'en New Orleans. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre depuis mesure, chez ta napute. Fume pas de Jill pour chez ta napute. Qui lui qu'un drip sur chez ta napute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allume tes necks dans la tête, dans les jambes. Ziggy Slim, retrouve-nous pas dans les rangs. VVT de Conakry jusqu'en New Orleans. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre depuis mesure, chez ta napute. Fume pas de Jill pour chez ta napute. Qui lui qu'un drip sur chez ta napute. 4 putes sur le moto. Jamais croire une chance, c'est le moto. Et ta biche monte sur ma moto. Chronique, mais j'ai même pas de moto. On débarque pas les mains vides, pas le même level. Aucun de ces négros on invite. Tout ça la fuit quand on arrive. Jameson fume la lignée d'Atali. Et t'es pas quoi si t'es Charlie? J'suis pas dans la danse ni le rallye. J'm'en bats les couilles d'un Grammy. J'suis là pour piocher mes ramis. Là pour le Néo Gold 2. Te tèche dans les flammes comme Léopold 2. DK négro c'est le Néopold Boy. 45 Colt sur la porte quand j'record 2. OV sec. Pharaon fils on vient d'abat les grecs. René on pop et ça rabat les becs. Flow couleur comme quand je tape à les techs. Pas de gros néfec. Ziggy Slim dans le délire. Nom du cartel sur le menhir. Néo Black Kemi. Au dessus comme un satellite. Pisse sur tes pites comme R. Kelly. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allume tes necks dans la tête, dans les jambes. Ziggy Slim, retrouve-nous pas dans les rangs. VVT de Conakry jusqu'en New Orleans. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre depuis mesure, chez ta napute. Fume pas de Jill pour chez ta napute. Qui lui qu'un drip sur chez ta napute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allume tes necks dans la tête, dans les jambes. Ziggy Slim, retrouve-nous pas dans les rangs. VVT de Conakry jusqu'en New Orleans. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bizarre depuis mesure, chez ta napute. Fume pas de Jill pour chez ta napute. Qui lui qu'un drip sur chez ta napute.